Ah ouais, c'est Guillermo Gris. Tout ça. Je sens pas l'odeur. Ça va les amigos? Non. Oui. Alors ce matin, je vais vous parler d'un événement qui m'a donné envie de crever dans une moutonnerie. Ah. Alors, c'est... Pour le coup, vraiment, d'habitude, c'est juste une figure de style. Là, j'ai vraiment cherché. Tondu ou méchoui? J'ai vraiment cherché un artisan moutonnier. Je lui ai dit, tranchez-moi. Il m'a dit, pourquoi, Ernesto? Pourquoi? Je lui ai dit, tu sais bien pourquoi, moutonnier? Il m'a beaucoup déçu, celui-là. Deux fois élu meilleur ouvrier de France par un gramme de psychologie. Alors pourquoi j'avais envie de mourir? Eh bien. Liverpool-Barcelone, ouais. 4-0, ma plus grande déception de 2019 avec la fois où j'ai appris qu'en fait les petits pois c'était un féculent. Là aussi j'étais déçu, vraiment, grosse déception. Le nombre de fois où j'ai mangé des petits pois en croyant que c'était les légumes verts, vraiment, bah, il s'avère qu'un petit pois, ça vaut pas mieux qu'un rigatoneau, t'imagines? Ouais. Il s'est bien foutu de notre gueule celui-là, le petit pois. Eh bien, alors pour nos auditeurs d'Inter qui n'aiment pas le football, parce que soi-disant c'est un sport de jeunes pauvres. C'est un match de dingue surtout. Oui, et que les auditeurs d'Inter, les sports de jeunes pauvres, c'est bah, oui. Trop l'inverse d'eux. Oui. Et donc, petit rappel, mardi soir, demi-finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone se rend avec une avance confortable de 3 buts à Liverpool. Et j'ai rien contre Liverpool, chouette ville, les Beatles ont fait 4 super chansons. Je dis pas, I can get no satisfaction. Voilà, moi je trouve c'est un hymne, ouais, c'est super bien dans un mariage. Ouais. C'est top. Mais même si pour moi, les sardines, c'était bien. Même si pour moi, McCartney, le seul moment où je l'ai trouvé vraiment bon, c'est quand il assurait l'intérim dans le Ben de N'oubliez pas les paroles. Ça c'était vraiment. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette avec Paul McCartney à la basse et zéro erreur jusqu'au deuxième refrain. C'était un très grand moment de télévision. Bien joué, Nagui. Donc, Liverpool, bonne équipe, bon coach, bon joueur, bon public, mais pas de problème. Mais moi je suis amoureux du Barça, en fait, depuis que j'ai 6 ans, c'est vrai. Et là on est quoi, 17 ans plus tard. Et j'ai grandi, j'ai choisi un melon, merde, enfin, toi je suis un adulte quoi, franchement. Et le Barça s'est pris 4-0 dans la boîte à chocolat, vraiment. Et ça m'a cassé ma soirée. Mardi j'étais anéanti, vraiment, j'avais prévu de faire un bébé, j'ai annulé, vraiment. J'ai dit à la mère, moi je fais pas un enfant, moi pas dans un monde où le Barça joue comme ça, c'est complètement irresponsable. Elle m'a dit c'est 50€ quand même, hein, quoi qu'il advienne. J'ai dit ah bah voilà, bah, certainement pas quelqu'un de vénal en plus, alors tu vois vraiment. Et ça me rend fou en fait, d'être aussi malheureux pour un match de foot, c'est absurde, parce que je connais aucun joueur personnellement du Barça quoi. Lionel Messi, il se met jamais dans un état pareil quand je rate une chronique quoi. Allez, il m'envoie un petit mot en disant ça va Ernesto, ça t'exagères, c'est pas si grave, ça peut pas être pire qu'une chronique de Daniel Morin. Je réponds non Léo, je sais évidemment, mais enfin ça me fait quand même de la peine, c'est vrai. Et pourtant moi j'étais malheureux à la fin du match, mes potes ils m'ont dit tu bois un truc, j'ai dit non je vais rentrer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais non, je vais rentrer quand on me propose de boire un truc. Je comprends. C'est le genre de décision que mon corps ne prend plus depuis des années, hein, vraiment. Même mon foie, il a dit, t'es sûr? Il m'a dit, Ernesto, pourquoi? J'ai dit, tu sais très bien pourquoi, organe. Deux fois, il est meilleur organe de Belgique, pas un gramme de psychologie. J'étais dévasté. Comme le boutonnier. Oui, j'étais dévasté, vraiment. J'ai honte des sentiments que le foot me procure. Il y a des SDF qui vivent au bas de mon immeuble. Hein. Quand je suis rentré, je leur fais, mais si, zéro caractère ce soir. Vous avez vu le match? Ils m'ont dit, bah non, du fait qu'on n'a pas l'abri. J'ai dit, oui, en attendant, c'est quand même pas l'ADN du Barça, ça. C'est vrai, je suis sérieux. J'ai honte, ça me rend con en fait. J'ai honte de me rendre compte qu'un match m'impacte à ce point comparativement à d'autres phénomènes sociaux. Je parle pas des fake news, hein, genre réchauffement climatique, etc., sexisme ou je sais pas quoi, les trucs, soi-disant disparition des espèces. Mais par exemple, les vrais sujets de société, les vrais problèmes, par exemple, quand je vois que je reste froid devant le bébé royal anglais, par exemple. Archie, je me dis comment on peut faire un bébé dans un monde où le Barça joue comme ça. Allez, bonne émission, les amis. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter.